Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle chronique de Classic Oldies. On va parler aujourd'hui d'un groupe de rock peu connu de nos jours, sûrement le moins populaire de toutes mes chroniques. Mais il n'empêche que c'est un excellent groupe, un de mes préférés, qui mérite une attention particulière. Il s'agit de Sweet Smoke. Alors pourquoi une popularité aussi faible? Eh bien leur durée de vie est plutôt courte, 6-7 ans, bien que ce soit déjà pas mal pour un groupe. Mais leur discographie se limite à 2 albums studio et un album live, soit une quinzaine de morceaux. Autant dire que leur choix fut rapide pour mes coups de cœur. Mais avant cela, parlons un peu du groupe. Sweet Smoke est le résultat d'une rencontre entre 5 musiciens. Michael Paris en est le principal compositeur mais aussi chanteur. Mais c'est l'apport de chacun qui va créer l'univers de Sweet Smoke. On retrouvera ainsi du saxophone, du violon, de la flûte ou encore du sitar. Sweet Smoke, qui a pour nom complet Sweet Smoke of the Happy Plant Pipeful, est un groupe américain. Mais c'est en Allemagne qu'ils vont composer leur premier album en 1970. En effet, leur nom de groupe et leur mouvance hippie ne passent pas dans le pays de l'oncle Sam. Sweet Smoke ne cache pas ses nombreuses influences, des Beatles à Clapton en passant par Hendrix. D'ailleurs, dans une de leurs chansons, ils vont même jusqu'à reprendre un extrait d'une chanson des Doors. Essentiellement instrumentale, on qualifie leur musique de psychédélique et progressive, avec, on le devine aisément, un esprit très jazzy. Leur second album, de 1973, exploite de nouveaux styles musicaux, tout en gardant comme fil rouge le rock progressif. Mais les morceaux sont plus courts, les instruments différents, et la guitare acoustique est davantage mise en avant que dans l'opus précédent. À peine ce second album réalisé, que des désaccords se ressentent avec des disputes de plus en plus importantes. En résulte, une dissolution totale du groupe peu de temps après l'album live de 1974. Malheureusement, rien depuis, hormis une courte réunion en 1999. Quelle déception pour un groupe qui maîtrisait à merveille les sessions de jam et qui n'a jamais aussi bien retranscrit le nom de Douce Fumée que dans leur musique. C'était planant, c'était soyeux, c'était les 70s. Passons dès à présent au morceau coup de cœur. Leur premier album, intitulé Just a Poke, contient 2 morceaux, d'une durée de 16 minutes chacun, environ. Ces 2 morceaux font partie de mes gros coups de cœur. Aucune minute n'est en trop, tout est parfait, tout est plaisant. Le premier morceau, Baby Night, nous immerge dans un univers plutôt reposant, bercé par la flûte. Puis vient une partie bien plus groovy, marquée par la guitare et dans laquelle la flûte se permet quelques solos à la Jet Hotel. Alternant batterie reposante et guitare électrique déchaînée, ce morceau est la quintessence du jam. Je vous mets au défi de ne pas claquer des doigts ou de hocher la tête de manière très cool dans ce titre, Baby Night. Never, never, never, never stops till the time your elusive mind drops. Oh Second titre donc, intitulé Silly Sally, est tout aussi parfait. Lui est un peu plus marqué par le saxophone et impose un rythme jazz dès le début. Le chanteur assure aussi de son côté, on croirait qu'il fait du yaourt et il en devient lui-même un instrument improvisant sur des onomatopées. Solo de basse ultra stylé, solo de guitare à effet wah-wah, et surtout le solo de batterie de plus de 5 minutes qui prend tout l'espace sonore à l'aide d'effets de stéréo et de flange. Une idée de génie, ça fonctionne à merveille. Alors écoutez Silly Sally. Hey, be me tonight. Whoa. dernier coup de cœur est dans le second album studio, Darkness to Light. Le nom de la chanson, quant à elle, est Just Another Empty Dream. J'adore ce genre de morceau où l'on accorde des solos à chaque instrument de musique. C'est ce que Just Another Empty Dream réussit à faire. La chanson en elle-même est très savoureuse, elle donne le sourire et nous incite à profiter de la vie. Et pour conclure de manière harmonieuse tout cela, la flûte, la guitare, le piano et le saxophone vont tous avoir leur petit temps de grâce. Une finalité en communion très enthousiaste. C'est Just Another Empty Dream. Avant de vous quitter, je vous propose d'écouter le morceau Show Me the Way to the War. Je vous souhaite une très bonne écoute et à la semaine prochaine sur RJR. Another man's inside of me, yeah. Just aching to be born. But what can he do? Tell me, where is his cue? When does he don his crown of thorns? I've gotta find my struggle, suffer to sing the blues. Say, show me the way to the peace. The peace that will last for an age. But the calm won't.